nous, contre vous. Imaginez un chevalier à notre époque. Imaginez ce cavalier revêtu de sa cuirasse, galoper le long de nos routes, tandis qu'au-dessus de lui passe un gros avion civil. Bonjour ! Cheval, l'armure, etc. Si tout cela était accessoire, et si l'objet, le but de la chevalerie, et sa nature même, était à trouver ailleurs. Mon nom est Hector de Maris. Je suis chevalier de Notre-Dame. Bienvenue dans les chroniques du Crac. Chronique du crâne. Frère Hector de Maris. Chronique du Crac. Nous sommes le samedi 1er mars 2025, premier samedi du mois, à l'honneur de Notre-Dame Sainte-Marie. Au micro, Hector de Maris, chevalier de Notre-Dame par la grâce de Dieu. Le frère d'armes Alban Guillemois à l'illustration, l'écuyer Joseph au montage. Bienvenue dans cette 9e chronique. Les chroniques du Crac, l'émission trimestrielle de reconquête culturelle de l'Ordre des Chevaliers de Notre-Dame. On commence tout de suite. Souvenez-vous de la demoiselle, messieurs, qui est mariée. Cette belle demoiselle fascinante, qui est peut-être celle qui est votre épouse maintenant. Comme disaient les oiseaux, qu'est-ce qu'on ferait sans elle ? L'histoire de la chanson vient d'une légende amérindienne. Elle raconte le drame mortel d'un amour impossible. La demoiselle vole à son amoureuse, son ombre, son rire, sa joie, comme il est dit dans la chanson. Donc c'est une histoire d'amour possessif qui n'est pas l'amour. Une si belle demoiselle pourtant, mais une belladonna, comme on dit chez nos amis italiens. Une belladonne. Alors, faut-il goûter à la belladonna ? Tout de suite, donc, la demoiselle... Un tube de 1979 qui est la version française de la Pulce d'Acqua du même Angelo Branduardi et extrait de l'album Confession d'un malandrin. C'est la demoiselle marchant sur le ruisseau qui t'a rendu bien malade. Elle t'a pris ton ombre, ton rire, ta joie et ne reviendra pas. Dans le grand silence des souvenirs perdus, tu trembles, tu t'agites. Tu veux ton enfance, ton ombre, ta voix, elles ne reviendront pas. C'est la demoiselle marchant sur le ruisseau qui t'a rendu bien malade. Elle t'a pris ton ombre, ton rire, ta joie, mais qui te les rendra? Dans le grand silence des souvenirs perdus, tu trembles, tu t'agites. Tu veux ton enfance, ton ombre, ta voix, elles ne reviendront pas. C'est la demoiselle marchant sur le ruisseau qui t'a rendu bien balade. Elle t'a pris ton ombre, ton rire, ta joie, et ne reviendra pas. Dans le grand silence des souvenirs perdus, tu trembles, tu t'agites. Tu veux ton enfance, ton ombre, ta voix, elles ne reviendront pas. Demoiselle marchant sur le ruisseau qui t'a rendu bien malade. Elle t'a pris ton ombre, ton rire, ta joie, mais qui te les rendra? Dans le grand silence des souvenirs perdus, tu trembles, tu t'agites. Tu veux ton enfance, ton ombre, ta voix, elle ne reviendront pas. Vous entendez la formation baroque Ensemble Chantal pour la musique d'Angelo Branduardi. Tout le monde ou presque a oublié ce grand compositeur de musique néo-baroque, virtuose du violon, aujourd'hui âgé de 75 ans. Bonjour chez vous et bienvenue si vous venez d'arriver au Crac des Chevaliers. Je parle d'une époque relativement récente et heureuse où on pouvait visiter le Crac des Chevaliers situé dans l'actuelle Syrie sans risquer de se faire trancher la gorge. Vous venez donc d'arriver au Crac des Chevaliers, vous avez franchi la première herse, c'est bien, très bien. Vous êtes au cœur des chroniques du Crac, cette émission de la Nouvelle Chevalerie, la web radio des Chevaliers de Notre-Dame. Dans le courant de cette émission, je vous parlerai de la sortie cette année d'un film de chevalerie à propos de Crac des Chevaliers, à propos de forteresse. Eh bien, c'est le sujet, un film qui ne fait pas désespérer du cinéma français, Arlande, la légende du premier château de la Loire. Et j'aurai le plaisir, à ce propos, de recevoir les réalisateurs du film. Il faudra rester à l'écoute. Ramin Djawadi dans les chroniques du Crac pour nous faire danser avec le dragon, Dance with Dragons par Saint-Georges. Le dragon, quand on est chevalier, on le perce de la lance, on ne danse pas avec. Le dragon qui est l'animal emblématique de la Chine, vous le savez. Après les attaques de missiles israéliens sur la bande de Gaza, il y a eu un missile chinois qui est tombé sur la commanderie Cheftain des chevaliers de Notre-Dame. Comment cela? Pourquoi je vous dis cela? Eh bien, un faux ordre de Notre-Dame est apparu, que des influenceurs de la tradition catholique essaient de faire passer pour le vrai, c'est-à-dire nous. Un faux ordre de Notre-Dame constitué sur les terres chinoises d'outre-mer. Donc la sentinelle de l'ordre a très bien fait, elle a ébranlé la grande cloche du donjon pour réagir à cette attaque chinoise. Cette attaque était susceptible de faire beaucoup de dommages collatéraux, l'évocation de chevaliers égarés d'abord, la réputation des vrais chevaliers de Notre-Dame que ces escrocs font passer pour des charlots, et enfin, c'est la crédibilité du clergé fidèle, ami, qui nous soutient, qui est menacée. Les personnes de bonne facture se présentent à des escrocs en manteau blanc, le blanc pour la pureté. Tu parles, une chevalerie fondée sur la fourberie et le parjure, une chevalerie du déshonneur. Bon, que s'est-il donc passé? Je remonte le temps de 80 années. L'ordre des chevaliers Notre-Dame a été fondé en 1945. La crise de Vatican II ne l'a pas épargné, et le voici devenu officiellement conservateur dans l'église conciliaire. Conservateur dans l'église conciliaire, c'est reculer dans un train qui avance. Bon, l'ordre de Notre-Dame a été restauré dans la tradition en 1989, et ses constitutions ont été approuvées par des prêtres canonistes de la fraternité Saint-Pilice en 1995. Depuis la décennie 2010, les premières attaques ont commencé. Nous avons d'abord eu la surprise d'assister à la constitution d'un noyau étrange constitué par des chevaliers félons, oui déjà, un peu comme un tiers-ordre, vous voyez. Bon, notre nom, notre blason a été détourné. Bon, c'est pas exactement le même nom que le nôtre. Trois mots ont été rajoutés, mais il ne faut pas avoir fait Saint-Cyr pour comprendre qu'il s'agit d'une copie maladroite de notre ordre. Cet ovni à croix d'azur est un peu à l'ordre des chevaliers de Notre-Dame ce que la fraternité Saint-Pierre est à la fraternité Saint-Pilice, une copie imparfaite. Si nous étions du cidre brut, eux, ce serait du jus de pomme. La manœuvre n'est pas honnête, mais reconnaissons que cette étrangeté si peu chevaleresque n'a jamais tenté d'attaque crapuleuse dans notre direction. Ils nous laissent tranquilles, nous les laissons tranquilles. Les choses sont devenues radicalement différentes maintenant. Voici plus d'un an, d'anciens membres de l'ordre chassés pour faute grave ont fondé ce qu'ils appellent l'ordre des chevaliers de Notre-Dame en reprenant nos armes. Et pour tenter de justifier l'injustifiable, pour tenter de justifier leur attitude, voici qu'ils contestent à notre lieutenant magistral son autorité, l'accusant, sans pouvoir le justifier, évidemment ils ne peuvent pas, d'avoir violé les constitutions de l'ordre. Alors là, on n'a plus affaire à un litre de jus de pomme, mais à du Canada Dry. Ça ressemble à la chevalerie, mais ce n'est pas de la chevalerie. Oui, bon, certains de leurs membres sont des chevaliers, bon, mais leur faute a sali leur blason. Leur comportement n'est pas chevaleresque. Ainsi, nous avons affaire à d'anciens chevaliers profs, c'est-à-dire ayant fait profession par des vœux privés, d'anciens chevaliers de chez nous qui ont quitté le navire après en avoir été chassés. Et voici que ces mutins du Bounty, comme ils avaient juré fidélité au maître actuel, voici que ces félons deviennent également parjures. Et être parjure, c'est la faute la plus grave contre l'honneur chevaleresque tout de même. Ganelon, l'ancien frère d'armes du chevalier Roland, qui l'a trahi dans le défilé pyrénéen de Ronsurvaux. Ganelon, c'est le type même du félon et du parjure. C'est répugnant. Bon, il faut prier pour eux, certes. Mais laissons à Dieu la liberté d'user de sa justice, certes. Mais n'avons-nous pas le droit de nous protéger? Bien entendu que oui. Nous avons riposté tout de suite par un communiqué officiel du magistère que les bons pères dominicains d'Avrier ont aussitôt relayé, on les en remercie. On s'est réjoui aussi de constater qu'il y a eu un soutien massif et unanime de mouvements patriotes, catholiques, nationalistes et royalistes, en plus des membres du clergé qui nous ont fait connaître leur soutien. Les chevaliers de Notre-Dame remercient bien chaleureusement tout le monde avec la plus grande gratitude. Parmi ses soutiens, nos amis de Média Presse Info qui publient les chroniques du crack sur media-presse.info qui ont donc édité notre communiqué que je vous lis. Ouvrez les guillemets, l'ordre semble aujourd'hui susciter certaines convoitises coupables. Il nous a en effet été tout récemment rapporté qu'un faux ordre avec un faux site internet, grossière copie de l'originel, tentait d'usurper notre identité. Cette entreprise de tromperie et de fraude, véritable scandale public, et l'œuvre d'anciens membres de l'ordre exclus à l'époque en raison de leur comportement infamant, ces derniers s'étant alors distingués par leurs violations répétées tant de notre code d'honneur que de notre règle et de nos constitutions. Leur démarche actuelle confirme aujourd'hui le bien fondé de ces décisions. Fermez les guillemets. Le communiqué donne ensuite les bonnes adresses électroniques concernant l'ordre, les bonnes adresses du site et précise, ouvrez les guillemets, toute autre source n'est pas de l'ordre. Et si elle s'en réclame, c'est indûment. Prenons garde aux tromperies et surtout prions bien pour les trompeurs. Fermez les guillemets. Vous trouverez donc ce communiqué sur le site de Mediapresse Info, l'accès est gratuit bien entendu, la formation sans concession, media-presse.info. Le saviez-vous, nous fêtons cette année le 160e anniversaire de la fin de la guerre de sécession, 1865-2025. Alors un petit peu de joie maintenant pour aérer la pièce, pas besoin. Vous connaissez peut-être ces noms, les comiques Roger Pierre et Jean-Marc Thibault. C'était une époque en France où, des années 50 aux années 80, on se régalait avec de vrais comiques comme Roger Pierre et Jean-Marc, mais aussi comme Fernand Reynaud, Raymond Devos, de vrais artistes qui savaient faire rire sans être obligés d'être vulgaires. C'était le vrai talent. Eh bien, une chose qui est très vraie et est annoncée avec beaucoup d'humour et de simplicité par Roger Pierre et Jean-Marc Thibault, c'est la suivante. Si les sudistes avaient été plus nombreux, les nordistes auraient pris la pâtée. Alors dites-moi, mon cher prisonnier sudiste. C'est commencé. Hein? J'ai l'impression que pour vous, la guerre de sécession a cessé, c'est sûr. Mais ça, je lui réponds. Ça, c'est sûr. Alors dites-moi, maintenant que vous êtes entre nos mains, vous n'avez rien à déclarer? Si. Ah. Si nous autres, les sudistes, on avait été plus nombreux, eh bien vous autres, les nordistes, vous auriez bel et bien pris la pâtée. Hein? Est-ce que vous répéteriez ce que vous venez de dire? Comment je vois pourquoi que je répéterai pas que si les sudistes, ils avaient été plus nombreux, eh bien les nordistes, mon Dieu, ils auraient bel et bien pris la pâtée. Mais à qui avez-vous l'impression que vous dites ça? Ben, un nordiste. Un nordiste? N'importe quel nordiste? Ah non. Ah non. Ah non. Ah non. Ah non. Ah non. Pas vous. Vous êtes caporal. Et non, non, je ne suis pas caporal. Vous n'êtes pas caporal? Ah non. Alors vous êtes sergent? Et un sergent nordiste, vous auriez le culot de répéter votre petit leitmotiv, là? Moi, je m'amène et puis je dis, si les sudistes, ils avaient été plus nombreux, eh bien, les nordistes, ils auraient bel et bien pris la pâtée. Nordistes. Mais, eh bien, voyez-vous, je ne suis pas sergent. Ben, ça arrange tout. Je suis le général Grant. Ça n'arrange rien du tout, ça. Et au général Grant, vous oseriez répéter vos balivernes? Ça, je ne ferais pas des bêtises devant un général. Ça, je ferais pas des... Ça serait culotté. Hein. Ah oui. Ben, je ne dis pas que je ne glisserai pas en fin de repas entre la poire et le fromage que... La pâtée. Bon. Eh bien, je vous donne 5 minutes pour changer de camp, mon vieux. Sinon, je vous fais fusiller. Ah, ça, c'est autre chose. Ah, ça, je le ferai. Là, il faut que je réfléchisse. Ça, je le ferai. Parce qu'il le ferait. Oula. Allez-y, comme ça. Ça, il le ferait, hein. Oh, bon, dites-moi. Je vois avec joie que vous réfléchissez vite. Non, vas-y. Mais t'es fou. Alors, dites-moi, hein, cher nordiste. Permettez. Je vous en prie. Mon grand. Familier. Hein, avec ça? Yes. You little sauvage. You chatouille. Alors, dites-moi. Maintenant que vous êtes des nôtres, hein, vous êtes content? Je suis content. On l'a échappé, même. On l'a... Comment ça, on l'a échappé, belle? Eh bien, si ces salopards de sudistes, ils avaient été plus nombreux, nous autres, les nordistes, on prenait bel et bien la pâtée, vous savez. Jean Dubois, voulez-vous prendre pour épouse la télévision, le poste de télévision ici présent? Oui, je la veux. Le cadre de votre vie ne doit pas être celui d'un écran 55 pouces. Ouvrez un bon livre d'histoire contre-révolutionnaire et faites entrer l'air. Les chroniques du Krak. Oh, I'm a good old rebel. Now that's just what I am. For this fair stiff in southern dust. We've got 300,000 before they conquered us. They died of southern fever and southern steel and shot. And I wish it was 3 million instead of what we got. I won't be reconstructed, I'm better now than then. And for that carpetbagger, I don't give a damn. So I'm off for the frontier soon as I can go. I'll prepare a weapon and start for Mexico. Oh, I'm a good old rebel. Just what I am. Hoyt Axton dans les chroniques du crack. I'm a good old rebel. Et puis l'instrumental de cette chanson joué par le Second South Carolina String Band. Bienvenue dans ces chroniques du crack, 9e édition, acteur de Maris Chevalier de Notre-Dame pour vous servir. Si vous aviez environ une dizaine d'années, lors de la sortie de Mon nom est personne, par exemple, avec Henry Fonda et Terence Hill, vous savez, bien vous êtes de la génération western. Et l'un d'eux, Les Longs Manteaux, The Long Riders, parlent de l'histoire de la bande à Jesse et Frank James, lesquels n'étaient pas des bandits, comme le dit la chanson, c'était exactement des hors-la-loi, mais des hors-la-loi nordistes. C'était des partisans sudistes, des soldats, si vous voulez, des soldats en uniforme, en costume civil, des soldats ayant pris les armes contre les représentants de l'ordre nordiste fédéral. Ils ont été les premiers à attaquer des trains, mais c'était des trains nordistes. Ils attaquaient des banques qui étaient des banques fédérales, etc., etc. À l'instant, vous avez entendu Hoyt Axton chantant I'm a Good Old Rebel, figurant sur la bande musicale du film Les Longs Manteaux. Et cette air n'est autre qu'une autre chanson populaire, Old Joe Bones, la preuve tout de suite, chantée par Bobby Houghton. Je vous en passe un bref extrait. Says she to me, Joe Bowers, oh, you're the chap to win. Give me a bus to seal the bargain, and she threw a dozen in. I shall ne'er forget my feelings when I bid adieu to all. Sally caught me round the neck, then I began to bawl. When I sawed in, they all commenced, you ne'er did hear the like. How they all took on and cried the day I left old Pike. Brothers and native to the soil, fighting for our liberty with treasure, blood and toil. And when our rights were threatened, their cry rose near and far. Hurrah for the bonnie blue flag that bears a single star. Hurrah! Hurrah! For Southern lights, hurrah! Hurrah for the bonnie blue flag that bears a single star. Hurrah! Hurrah! For Southern lights, hurrah! Bonnie blue flag that bears a single star. Our gallant South Carolina was first to make the stand. Then came Alabama, who took her by the hand. Then quickly Mississippi, then Georgia and Florida. All raised on high the bonnie blue flag that bears a single star. Hurrah! Hurrah for Southern rights, hurrah! Hurrah for the bonnie blue flag that bears a single star. Hurrah! Hurrah for Southern rights, hurrah! Hurrah for the bonnie blue flag that bears a single star. A Ah, ça fait du bien. Viens dans nous, c'est la glorieuse tunique grise dans ses chroniques du crack avec sa Bonnie Blue Flag, l'un des hymnes de ce bon vieux Sud confédéré. Il a manqué d'ailleurs le Bonnie Blue Flag d'enlever au Dixie le maillot jaune puisque le Bonnie Blue Flag a failli être l'hymne officiel de la Confédération américaine. J'aimerais revenir sur I'm a Good Old Rebel que vous avez entendu. Alors, que dit cette chanson? Moi, je n'oublie pas les recommandations de ma chère épouse. À chaque fois que passe une chanson de musique country au salon ou dans mon bureau, elle me pose la même question. Que veulent dire les paroles? C'est vrai que c'est important de savoir ce que signifient les paroles d'une chanson. Combien de personnes au monde savent que les paroles de la chanson Hotel California du groupe Eagles sont sataniques, hein? On écouterait moins si on savait. Donc, les paroles de I'm a Good Old Rebel, que disent-elles? Je suis un bon vieux rebelle. Je hais la nation Yankee et tout ce qu'ils font. Je hais la déclaration d'indépendance aussi. Je hais la glorieuse union, elle dégoûte de notre sang. Je hais leur bannière rayée. Je ne demande pas pardon pour ce que j'ai fait. Je suis un bon vieux rebelle. Les paroles auraient été écrites par un officier confédéré de l'état-major de Shep Stuart, le major Heinz Randolph. Nous commémorons cette année en effet donc le 160e anniversaire de la fin d'une guerre appelée par les nordistes guerre de sécession ou guerre civile et que les sudistes, qui n'ont pas la mémoire courte, eux appellent guerre d'invasion nordiste. Vous pouvez voir à droite de l'image la photo d'un des prisonniers confédérés, la photo authentique hein, d'un des prisonniers confédérés du bagne nordiste d'Andersonville. Alors, considérant un petit peu les débuts du conflit, au mépris de tous les nobles engagements pris par lui sur le sujet la main sur le cœur, au Congrès en 1861, Lincoln va prétexter l'esclavage. Bon, nous sommes bien d'accord, l'esclavage c'est condamnable, mais ça a été un prétexte pour envahir le Sud et martyriser les populations civiles, alors que, c'est important, notez bien, la majorité écrasante de la population du Sud ne possédait aucun esclave. Un détail parmi tant d'autres, le 24 avril 1863, Lincoln, président américain, avait édicté le Labor Code qui prescrivait aux armées d'invasion en tunique bleue d'épargner les populations civiles. Bon, ben très bien. Mais une lecture attentive de ce Labor Code apprend que les officiers bleus sont autorisés à ne pas tenir compte de ce Labor Code si la situation militaire l'impose. Les occasions de ne pas tenir compte du Labor Code ont été fort nombreuses pendant la guerre. Quand je pense qu'un peuple américain a été envahi et massacré par un autre peuple américain, mais aussi différent tous deux que les Français et les Belges francophones, quand je pense qu'un peuple a été envahi et massacré par un autre peuple au nom d'une idéologie humaniste, je crois, je sais qu'il y a des gifles qui se perdent. La Gifle d'Or, toujours patronnée par Notre-Dame de la Gifle, est décernée cette année aujourd'hui à un non-événement cinématographique, le film Toutes pour Une. Vous savez, certains films vulgaires sont comme les préservatifs. Ils n'ont pas de mal à trouver des distributeurs. Depuis 2018, par exemple, on a des films woke. Ils nient la réalité pour vous vendre une idéologie. Les pyramides d'Égypte sont des pylônes électriques. Cléopâtre était africaine. On a eu droit à un film allergique aux hommes, le film Barbie, où il a poupée pour adultes. C'est pas sérieux. Le pire était à venir, donc. Un autre film androphobe, Toutes pour Une. Il s'agit d'une déconstruction du roman d'Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires. Alors, quelle est l'histoire de ce chef-d'œuvre? Quand Sarah découvre que trois des mousquetaires sont en réalité des femmes, elle décide de partir avec elles. 3 plus 1 égale 4. Les quatre soi-disant soldats d'élite, maniant rapière et mousquet, maquillés en hommes, vont protéger la reine, bien sûr, contre le méchant Richelieu représentant l'Église. Et représentant évidemment la caste des hommes. Je précise que le film ne m'énerve pas parce que c'est un film de femmes. Il existe des femmes extraordinaires, la Sainte Vierge d'abord, Sainte Jeanne d'Arc, ma mère, mon épouse, et puis les auditrices des Chroniques du Crack que je salue au passage. Non, le film m'énerve parce que c'est un film qui méprise la réalité historique. Au XVIIe et XVIIIe siècle, faut-il le rappeler, il n'y avait pas de femmes dans les armées du roi. On peut ne pas être d'accord, mais on doit l'accepter. Et qu'une jeune génération de cinéastes décide de changer l'histoire par caprice, ça, oui, ça m'énerve. Au XVIIe siècle, on avait une société hiérarchisée, les hommes à la guerre et les femmes au foyer. On peut ne pas être d'accord, encore une fois, mais on doit l'accepter. Dans le courant de cette émission, j'aurai le plaisir de recevoir les réalisateurs du film Arland, la légende du premier château de la Loire, qui passe en ce moment. Toutes les dates et lieux de sortie sur labrisse-studio.com, Labrisse avec un Y. Eh bien, dans ce film, comme la duchesse Françoise de Brézé prétendait se jeter dans la mêlée avec ses chevaliers, le chevalier Jean de Guis a dû la ramener à la dure réalité. Votre place, madame, n'est pas dans la bataille. Restez au château. Et cela, c'est tout à l'honneur de ce film qui, lui au moins, n'est pas woke. Toute pour une, c'est un attentat wokiste contre notre littérature, notre histoire, notre culture. Ce film donne de la France une image à pleurer. Aucune des héroïnes du film n'a existé. Par contre, Porthos, soit Isaac de Porto, Aramis, Henri d'Aramitz, D'Artagnan ou D'Artagnan, Charles de Batz, Castelmore, D'Artagnan, ont existé, eux. Et ce n'étaient pas des femmes, avec tout le respect que je vous porte, madame, si vous m'écoutez. On n'a pas le droit, si vous voulez, de caricaturer la mémoire des héros de l'honneur français. Charles d'Artagnan, qui a versé son sang pour la France et le roi, en étant tué au siège de Maastricht, par exemple. Si vous aimez le souvenir laissé par D'Artagnan, il faut aller dans sa petite ville gasconne de Lupiac, ceci dit entre parenthèses. Les gravures des mousquetaires que vous voyez ici sont des gravures romantiques du 19e siècle inspirées du roman de Dumas. Il n'y a que pour Charles d'Artagnan que l'on possède une eau-forte d'époque, celle que vous pouvez admirer. Lorsque l'on voit l'état de la France en 2025, vous savez, on a envie parfois de mettre les voiles, d'aller voguer. Où ça ? Ben vers Venise, perle de la Vénitie qu'il faut visiter si vous ne connaissez pas encore. Alors justement, en compagnie de Vivaldi et d'Angelo Brandoardi, on a envie de mettre les voiles, alors allons là où le vent nous mène. Tiens, encore une chanson d'Angelo Brandoardi que nous retrouverons, mais après Antonio Vivaldi, comme il se doit. Danse là la vie qui traîne, au rythme du monde qui va. Oublie les mots qui t'enchaînent, va où le vent te mène, va. Les chroniques du crack. Chevalier Hector de Maris. Chroniques du crack. Ce n'est pas parce que l'histoire est une discipline grave qu'elle doit être austère. Les chroniques du crack. Silence, équipement ! Ce matin à 10h, la tête du grand Louis XVI a roulé dans la nature ! Le roi est mort ! C'est fini la tyrannie ! Hip hip hip ! Ouais ! Silence ! Prions ! Le roi est mort, vive le roi ! Vive son fils le dauphin ! Prions. Pater noster quies in celis. Veni vult sanctificetur nomen tuum. Tuum. Adveniat regnem tuum. Tuum. Fiat voluntas tua. Tua. Arrêtez vos géraniens, les petites vents! Je te jure de liesse! Debout! Fiat voluntas tua. Le pitard, l'alsacien, vous allez me donner un coup de main! Et fêtez le violon d'après la révolution! Allez, levez le manger! Portez-vous les fenêtres! Dans la poussière des rails, laisse tomber l'éventail. Va où le vent te mène, va où le vent t'amène, va où le vent te mène, va. Belle dans la poussière des rails, il faut lever les voiles. Va où le vent te mène, va où le vent t'amène, va où le vent te mène, va. Danse là la vie qui t'aime, au rythme du monde qui va. Les mots qui t'enchaînent, va où le vent te mène, va. Danse là la vie qui t'aime, au rythme du monde qui va. Oublie les mots qui t'enchaînent, va où le vent te mène, va. Dans la nuit claire des voiles, oublie le gouvernail. Va où le vent te mène, va où le vent t'amène, va où le vent te mène, va. Belle dans la nuit claire des voiles, laisse tomber l'éventail. Va où le vent te mène, va où le vent t'amène, va où le vent te mène, va. Serre-le bien fort dans tes bras, le premier qui te sourira. Bon vent si tu t'en vas, va où le vent te mène, va. Serre-le bien fort dans tes bras, le premier qui te sourira. Et bon vent si tu t'en vas, va où le vent te mène, va. Des rails, laisse tomber l'éventail. Va où le vent te mène, va où le vent t'amène, va où le vent te mène, va. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Exaudi Christe, exaudi Christe. Ecclesiae sancte Dei, salus perpetua. Redemptor mundi, tu illa majuva. Sancta Maria, tu illa majuva. Sancte Iosef, tu illa majuva. Sancte Michael, illa majuva. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Exaudi Christe, Francisco sumo pontifici et universali pape vita. Salvator mundi, tu illum adjuva. Sancte Petre, tu illum adjuva. Sancte Paule, tu illum adjuva. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Rex regum, rex nos est, spes nostra, gloria nostra. Misericordia nostra, auxilium nostrum. Fortitudo nostra, arma nostra invitissima. Murus noster inexpugnabilis, defensio et exaltatio nostra. Lux via et visa nostra. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Ipsi soli imperium, laus et jubilatio per infinita saecula saeculorum. Vincit, Christus regnat, Christus imperat. Tempora bona veniant, pax Christi veniat, redempti sanguine Christi. Feliciter, feliciter, feliciter. Regnum Christi veniat, Deo gratias. Bienvenue dans ces chroniques du crack numéro 9. Vous venez d'entendre un extrait du Gloria de Vivaldi, puis Va où le vent te mène par Angelo Brandoardi. Enfin, la formation Clamavi de Profundis pour ce qui était chanté au Royaume de France pour le Sacre du Roi. Et ce chant est également chanté traditionnellement par les chevaliers de Notre-Dame après chaque adoubement de nos chevaliers. Va où le vent te mène. Eh bien, le vent est mauvais en France, vous le savez, depuis la mort de Louis XVI, le 21 janvier 1793. Le vent est mauvais. Les Vendéens de 93 le nommaient vent de galerne. C'est un vent mauvais qui souffle la révolte. C'est un vent aujourd'hui qui déracine le bon sens, qui déforme les bonnes définitions. Le vent du mémoricide après la bourrasque du génocide. Oui, c'est un vent qui déracine le bon sens. Prenez l'expression, par exemple, « on n'est plus au Moyen-Âge ». Telle personne emménage dans un village où n'est pas installée la fibre, on n'est plus au Moyen-Âge. Le génie humain, sous l'inspiration du Saint-Esprit pour remédier à la violence sans frein du siècle de fer, qui était le Xe siècle, avait inventé cette institution formidable, la féodalité médiévale, qui était un tissu de relations viriles faites pour se protéger mutuellement de vassal à suzerain et en se prêtant en main forte. Eh bien, Les esprits tordus de l'époque moderne ont fait de féodal et de médiéval des gros mots. On en est là, c'est bête à pleurer. Les cancres sont au premier banc et ce sont eux qu'on écoute. Parce que ce sont eux qui parlent le plus fort, tout simplement. Qui s'extasie devant la beauté du Moyen-Âge ? Qui étudie encore l'Empire de Charlemagne à l'école de l'instruction lubrique ? Autre chose, pour nos modernes, le Moyen-Âge serait un point-virgule, une éclipse entre Antiquité et Renaissance. Alors allons interroger les vrais auteurs, par exemple Georges Bordenov, Pierre Virion, qui était chevalier de Notre-Dame, Jacques Herse, Régine Pernoud, Madame Régine Pernoud. La tante de Georges Pernoud, le présentateur de l'émission de télé Thalassa, était archiviste et historienne médiéviste. On lui doit des travaux essentiels sur les Templiers, plusieurs vies de Sainte Jeanne d'Arc, une histoire des croisades, et surtout le livre « Pour en finir avec le Moyen-Âge » paru en 1977 aux éditions du Seuil. Régine Pernoud était aussi, Madame et Mademoiselle, une excellente historienne de la féminité à travers les âges. Féminité et non pas féminisme, hein, nous sommes d'accord. Et selon Madame Régine Pernoud, la soi-disant éclipse médiévale se diviserait en quatre grandes parties. Le Haut Moyen-Âge, l'Empire de Saint-Charlemagne, la féodalité et ce qu'on nomme communément Moyen-Âge. Le Haut Moyen-Âge va de la chute de l'Empire romain d'Occident en 476 avec l'abdication du dernier empereur romain Romulus Augustule jusqu'à l'avènement de la dynastie carolingienne qui va continuer l'Empire défunt, soit l'équivalent de la période qui sépare en France le règne d'Henri IV de la guerre de 14-18 tout de même. Ensuite, l'Empire carolingien, lui, durera presque 200 ans, du couronnement du Père de l'Europe à la Noël de l'an 800, jusqu'à la fin du règne du dernier empereur d'Occident, Béranger, en l'an 924. Les empereurs romains germaniques prendront la suite. Troisième grande partie du Moyen-Âge, l'âge féodal, qui chevauche du Xe siècle à la fin du XIIIe siècle. Et là, on en arrive à l'apogée de la chrétienté, l'ère des nobles chevaliers du Temple, de Saint-Louis, de Saint-Thomas d'Aquin. Enfin, le Moyen-Âge officiel, qui durera du XIVe au XVe siècle, le siècle de Sainte Jeanne d'Arc, mais aussi qui sera aussi le crépuscule de la chevalerie et de la chrétienté. On a donc, avec le Moyen-Âge, une période qui n'est pas une éclipse, c'est une période de plus de 1000 ans, ce n'est pas rien. Comment peut-on les laisser faire ? Comment peut-on laisser des barbus tout juste descendus de leur barricade de mai 68 oser supprimer 1000 ans de notre histoire parce que le caractère chrétien de l'Europe les énerve ? Autre chose, les gauchistes qui traitent d'obscurantisme le Moyen-Âge ? Mais qu'est-ce qui est barbare en fait ? Les huttes de Vikings ? Ou la cathédrale Notre-Dame de Paris, le chant grégorien, la polyphonie de Guillaume de Machaut, que je vous passe parfois dans ses chroniques, les grandes universités européennes, barbares, la chevalerie chrétienne qui a limité la violence extrême de la guerre, barbares, les cathédrales gothiques ? Évidemment non. Alors à propos de gothique, je vais maintenant vous faire écouter le son d'une marche guerrière. Il s'agit d'une composition récente du barde gothique Skaldic, March of the Visigoths. Cette chanson de geste, en quelque sorte, traite d'une croisade contre l'infidèle. C'est le chant à la gloire du roi catholique Roderic des Visigoths quand il se battait en Espagne contre les guerriers musulmans à la bataille de Guadalete. C'était en l'an 711. Cette bataille, hélas, va se solder par la défaite de Roderic, lâchement abandonné en plein combat par les autres nobles visigoths. Les musulmans seront victorieux à Guadalete et la langue gothique sera oubliée en péninsule ibérique. C'est miracle qu'on puisse entendre aujourd'hui ce chant gothique. Voici la marche des Visigoths dans les chroniques du Crac. « Italian, minna Jakobos, Lopidis, Judans, Kodakunnan saar, Mieuka leimi, rikki siltutiko. Oh, chevalier Hector de Maris. Le barde Skaldic dans les Chroniques du Crack numéro 9. On a eu droit de la langue gothique. Chapeau. À propos de chapeau, les Visigoths portaient-ils le béret? Après tout, les premiers paysans du Béarn, dans la vallée de l'Aspe au moment de l'occupation romaine, portaient ce grand disque en laine de mouton mérinos qui deviendra le béret. Donc je vais vous parler du béret, pourquoi pas, dans les Chroniques du Crack. Un homme qui porte le béret comme on doit le porter, c'est comme une femme en jupe longue, ça se remarque. Surtout le dimanche, quand tout le monde est en survêtement sportif, le vêtement des sportifs du dimanche. Le béret. Alors le béret, c'est un disque de pure laine mérinos. C'est une laine qui a la particularité d'être imperméable, qui isole bien contre la chaleur et le froid. Le béret ordinaire a la taille d'un... Les jeunes ne comprendront pas, vous leur expliquerez, à la taille d'un 45 tours. Et le grand béret, ou béret chasseur alpin, ressemble plutôt, lui, à un 33 tours. En plus, il est noir, donc voilà, le disque parfait. Le haut du béret, c'est le plateau. À l'intérieur, là où vous logez la tête, c'est la coiffe. Et en général, vous avez au centre du plateau une petite queue qu'on appelle le cabillaud. Le béret, c'est joli, c'est français, et c'est imperméable. Donc, le béret basque serait originaire du Béarn, le pays du roi Henri IV. Alors, je sens venir la question, pourquoi l'appelle-t-on béret basque? Hein? Qui est originaire du Béarn? Bonne question, je vous remercie de me l'avoir posée. Napoléon III, en fait, ça vient de lui. Napoléon III, quand il était de passage à Biarritz en 1854, avait remarqué des ouvriers qui construisaient le futur palais de son épouse Eugénie. Il s'agit de l'actuelle Villa Eugénie. Plus tard, on sut que les ouvriers étaient béarnais. Comme à Biarritz, on est en pays euscarien et que les ouvriers portaient le béret, Napoléon III se mit à appeler cela béret basque et le fit savoir. Un dernier mot sur le béret, en particulier sur le grand béret qui plaît, le béret chasseur alpin, qui plaît à tout le monde mais que personne n'ose porter, sauf deux chevaliers de Notre-Dame que je connais. C'est en 1891 que la tarte a été affectée en France à l'uniforme du chasseur alpin. Pourquoi ? Parce que sa très grande taille protégeait bien la tête des intempéries et les pieds dans les Rangers, sous la tente, bien protégés du froid. Alors je précise que ce n'est pas porter le béret qui fait plouc. Ce qui est plouc, c'est la casquette aux oreilles de Mickey pour ces messieurs ou le pull Barbie pour ces dames. D'accord ? Gardez votre béret, et votre béret vous gardera. Bien porter le béret est la dernière manière, si vous voulez, qu'il nous reste d'affirmer notre identité française. Un catholique tradit, un royaliste, un nationaliste devrait porter le béret. C'est une tradition bien française. D'ailleurs, le quatrième commandement de notre code d'honneur ou code de la chevalerie dit bien « Le chevalier maintient la tradition de ses pères ». Revenons à la musique traditionnelle maintenant, tiens, ben celle de Nouvelle-France, interprétée par un groupe québécois dans les années 60, bien connu dans les années 60, le groupe Les Cailloux, avec une chanson folk traditionnelle qui remonte au moins au XVIIIe siècle. Les Cailloux, à mon avis, ça fait référence aux Rolling Stones, hein, les pierres qui roulent. Le titre va vous rappeler une des chansons que, tout petit, toute petite, vous chantiez en famille. À la claire fontaine, m'en allant promener. Pour un bouquet de roses que je lui remets. Et moi et ma maîtresse dans les mêmes amitiés. Vendez le bois, chauffez le four, dormez la belle, il n'est point jour. Les choses sérieuses se précise, le guet du chemin de ronde d'Arlande voit venir sur la route menant à Notre-Dame-Sainte-Marie au Puy des bandes de huguenots en armes et il sonne le tocsin. Le cinéma français récemment m'a surpris, je ne suis pas ennuyé pour la première fois. J'ai été surpris, j'avais perdu l'habitude. Je me suis régalé avec, par exemple, l'excellent Comte de Monte Cristo de Mathieu Delaporte. Et puis, fin 2024, je n'en ai pas cru mes yeux ni mes oreilles, un film de chevalerie, tourné en France et même en pays du Velay non loin du Puy. J'ai donc rencontré pour vous les réalisateurs Titouan Monnier et Marina Golin. Arlande, la légende du premier château de la Loire. Restez avec nous, je vous passerai ensuite un des chants que les chevaliers chantaient au coin du feu dans le film. Non, non, ce n'est pas une chanson à boire. Bienvenue dans ces chroniques du crack numéro 9, acteur de Maris, chevalier de Notre-Dame. Avec vous, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Titouan Monnier et de Marina Golinco, les deux acteurs réalisateurs du film Arlande, la légende du premier château de la Loire. Bonjour Titouan et Marina. Bienvenue dans les chroniques du crack. Et bonjour. Bonjour. Alors, votre film est en tournée en France. Vous venez d'être doublement récompensé par le festival de cinéma Red Movie Awards, je pense. Oui, c'est ça, exactement, à Reims. Alors, vous devez être sur un nuage, là, parce que rares sont les jeunes réalisateurs à être ainsi récompensés en début de carrière, racontez-moi. Bah oui, surtout qu'en plus, nous, on n'avait pas fait le film de base pour le mettre dans des festivals. Voilà, nous, c'est un premier projet, donc on en apprend beaucoup sur ce monde-là. Et effectivement, le festival nous est tombé dessus, en fait, et on a eu 10 nominations et 2 prix pour meilleur costume et meilleur plan drone. Donc on est très fiers, très contents de nos dronistes, Pierre Vasseur et Mana Depinois. Et donc voilà, ça va être des belles rencontres, je pense, aussi, et des opportunités à prendre également à Reims en mai. À Reims, en mai, on note le rendez-vous. Là. Exactement, le 23 et 24 mai. Donc, et votre film a gravi les marches du Festival de Cannes. Oui, alors en fait, on a amené le film plus dans la branche marché du film au Festival de Cannes, justement pour rencontrer et échanger avec des distributeurs, où le distributeur aide à faire la passerelle entre nous, producteurs, et des exploitants de salles cinéma. Voilà, c'est eux qui arrivent et nous aident à passer le film en salle de cinéma et plus tard télé, streaming. Et je crois que des réalisateurs américains sont venus. Oui, c'est ça. Mais on était contents parce que beaucoup étaient intéressés d'être nos distributeurs. Ils nous demandaient même combien de millions de budget ce film nous avait coûté. Donc on leur disait que pas du tout, que le budget était très très faible, à 130 000 euros. Et ils nous regardaient avec des gros yeux en nous disant mais vous mentez, c'est pas possible. Ouais. Donc c'était marrant quand même, ouais. C'est ça, ouais, c'est un marché international, donc il y avait un peu de tout. Il y avait des acheteurs qui venaient des pays d'Asie ou d'Afrique ou d'Europe ou des Américains. Et effectivement, les Anglo-Saxons étaient très très bon, ils aiment bien, je crois, l'histoire de France, tout ça. Après, ce qu'ils en font, c'est une autre chose. Mais ils aiment bien le délire, en tout cas. Et donc forcément, ils étaient très très impressionnés, surtout quand on leur donnait le budget, quoi, parce qu'on n'avait pas les mêmes budgets qu'un film d'Hollywood. Et bien sûr, mais ils connaissent l'histoire de France, enfin ils connaissent Alexandre Dumas, puisque c'est des Américains qui ont joué les Trois Mousquetaires. Oui, oui, oui. Avec Gene Kelly, etc., dans les années 50. Arlande un peu moins. Oui. Quel a été l'accueil du public? L'accueil du public est excellent. Il n'y a qu'à voir les notes sur Allociné. On est noté 4 étoiles sur 5. Sur IMDB, on est noté 7,7 sur 10. On est, en plus, sur Allociné, on est sur plus de 100 notes, quasiment 90 critiques. On a eu une critique presse également. Et les critiques presse, on en avait un peu peur. Et on a été très bien noté aussi. 3 étoiles sur 5. Bon, en fait, les critiques sont très très bonnes. Les échanges qu'on a avec le public à la fin des séances sont excellents. Et on reçoit même des messages privés, des des mails. Donc pour le moment, on est très agréablement surpris, parce qu'on avait une crainte forcément, surtout que c'est un film qui avait été réalisé avec beaucoup de contraintes, notamment à cause du budget. Donc on est très très très satisfait des retours du public, on est très très reconnaissant. C'est Titouan Monnier qui parlait, et il parle sans regarder, sans note. Oui, tandis que oui. Moi, j'ai les yeux sur ma fiche, mais là, pas de notes. C'est impressionnant. Hein, c'est vrai, à force, on se répète aussi beaucoup. C'est vrai, il y a un entraînement. On connaît le texte par cœur. Ouais. Maintenant, je vais vous demander de vous présenter tous les deux. Alors, Titouan Monnier et Marina Golenko. Honneur aux dames. Alors, honneur aux dames. Eh bien, moi, c'est Marina Golenko, donc j'ai 25 ans. Voilà, avant d'être réalisatrice, j'ai fait l'école des Cours Florent à Bordeaux. Et pour ceux qui ne savent pas, les Cours Florent, c'est une école de théâtre et de cinéma. Donc, ça nous forme uniquement à la comédie, juste pour être acteur. Et puis, avec Titouan, c'est vrai que artistiquement parlant, ça marchait très bien. On avait déjà réalisé des petits courts-métrages, des moyens-métrages, mais voilà, très étudiant, très amateur, histoire de s'essayer un peu au métier. Et donc, voilà, et on a fait un bon bout de chemin, et Arlande, qui est notre tout premier long-métrage. Un beau bébé. C'est au cours Florent que vous vous êtes rencontrés? Oui, c'est ça. Exactement. Quelle oui, parce histoire. Que... Sur les bancs. Belle histoire. Oui, voilà, ça nous a permis de nouer des liens là-bas avec, déjà, nous deux. Voilà, nous deux, on a pu se rencontrer et même tomber amoureux là-bas. Mm-hmm. Et puis, on a rencontré aussi des gens avec qui ont travaillé sur le film là-bas. Parce que moi, pour le coup, je viens pas du tout du sud-ouest. Moi, je suis originaire de Haute-Loire. Ouais. J'ai grandi à Saint-Paul de Tartas, vraiment à 10 km d'Arlande, justement. Donc, c'était un site que je connaissais très bien. Vous avez joué dans les ruines du château. Et oui, je jouais avec mon frère jumeau, ouais. Hugo, qui a travaillé sur le film également dans le son et qui maintenant est à Paris. Donc, voilà, moi, c'était un endroit que je connaissais bien. Et j'ai d'abord étudié à Clermont, mais c'était dans l'univers du sport. Et après, je suis allé au cours Florent parce que je souhaitais faire de la comédie. Et en parallèle, j'étais au campus Univers Cascade. C'était une école de cascadeurs, donc je venais du monde de la cascade. Je faisais cascadeur sur des tournages, et après j'ai voulu être comédien, donc j'ai allié les deux. C'est pour ça que j'ai fait les cours Florent. Et avec Marina, on a décidé de créer notre studio pour faire nos films. C'est votre premier film? Oui. Hein, c'est le premier long métrage, on m'a dit. Voilà. Ouais, c'est ça. Il y avait des cours, mais c'est le premier film. Et alors, pour les auditeurs de la région parisienne et du Nord, éventuellement, qui n'arrivent pas trop à se situer, où est exactement le village d'Arlande? Pas loin du Puy, je crois, c'est ça? C'est ça, il est à 15-20 km, oui, non, à quand même 20 km du Puy-en-Velay, dans le Massif central. Donc oui, à 20 km du Puy. Et le tournage s'est déroulé uniquement à Arlande? Alors non. Non, mais il s'est tourné à 90% en Haute-Loire. Ça, c'est sûr. Et après, dans les monts du Lyonnais, en Haute-Ivoire. À Haute-Ivoire, c'est ça. Ouais. C'est pas très loin de Lyon. Donc, ça reste en Auvergne-Rhône-Alpes. Ouais. Mais essentiellement autour d'Arlande, exactement. Ouais. Très bien. Alors, est-ce que nous sommes ici en présence d'une œuvre de fiction ou d'une œuvre de réalité, ou les deux? Eh bien, les deux. Les deux, il me semblait. Hein. Oui, c'est bien une fiction historique. Donc, la base solide de l'histoire, elle est vraie. Mais après, on a pris des libertés. On a quand même romancé sur le destin ou des personnalités de certains personnages qu'on raconte dans le film et qui, eux, ont bel et bien existé. Est-ce que je peux vous poser une question délicate? Allez-y. On va pas être fâché après. Ah non, je me fâcherai rarement. C'est que j'aime bien votre film. Ah bah, comment je pourrais être fâché? La scène un peu chaude, oui, entre le chevalier et la dame de compagnie. Votre dame de compagnie, oui. Madame, bravo. Ouais, ouais. Est-ce que cette scène était vraiment nécessaire? C'est vrai que notre film est très dur, très violent, pas gore, mais violent. Et en fait, on trouvait que cette histoire d'amour... Elle est fâchée. Comment? Elle est fâchée. Ah non, pas du tout. Faites-moi un joli sourire. Je souris. Ça, je vois. Voilà. C'est un sourire qui s'entend, j'espère. Oui, non, mais elle est intéressante, cette question, parce qu'on nous l'avait jamais posée. Voilà, vu que c'est vrai que c'est un film qui est quand même violent, c'est beaucoup d'action. Donc en fait, leur histoire d'amour et cette scène-là permettaient aussi de... Voilà, on souffle un peu, on voit un peu de poésie, apportent un nouveau souffle quand même dans le film, où on relâche un peu entre deux scènes de bataille, quoi. Cette scène s'est voulue très poétique, c'est-à-dire qu'on voit pas de, nudité, on voit pas, à part un dos, on voit pas de nudité, c'est très suggéré. Voilà, vous avez pas cédé à la façon. Voilà, et c'est sensuel, c'est-à-dire que c'est quand même deux personnes qui s'aiment, on n'est pas dans un bordel, c'est vraiment, c'est sincère, et c'est, mine de rien, l'une des scènes que les gens ont le plus apprécié, des retours qu'on a eus. Il y a eu beaucoup de gens qui ont aimé la façon dont elle a été réalisée, où on tourne autour des deux personnages avec la caméra. Donc on a eu des très bons retours, on regrette pas de l'avoir mis, du coup au contraire, on est content d'avoir fait ce choix-là. C'est vraiment une très bonne nouvelle pour, disons-le, pour le public catholique aussi, parce que les héros sont catholiques. Alors, sans spoiler bien sûr, hein, comme on dit, le film donc raconte la résistance héroïque de Françoise de Brézé, fille de la duchesse Diane de Poitiers, qui défend avec ses chevaliers la forteresse familiale d'Arlande, hein, convoitée par un seigneur brigand et protestant, lequel fit régner une véritable terreur dans la région. Et donc, avec conviction, la dame de Brézé, jouée par Marina ici présente, prie souvent à la chapelle, en la voit se flageller pour ses péchés. Tout à l'heure, je vous parlais d'OVNI cinématographique. Comment un tel film a pu réussir, mais vraiment réussir, dans notre pays qui est ravagé par la déconstruction historique et par la catophobie? En fait, il y a eu, mais le film, en tout cas d'un point de vue financier, il a, en fait, les lacunes qu'on avait eues dans le budget ont pu être comblées par justement la motivation des gens du cru, on va dire des gens locaux. On a eu plus de 250 figurants bénévoles qui sont venus sur leur temps libre, qui beaucoup venaient avec leurs propres costumes, des médiévistes, des associations de reconstitution, mais également les lieux dans lesquels on a tourné, les châteaux dans lesquels on a tourné, qui nous ont été prêtés. En fait, tout ça nous a permis de monter ce film là. Quand les spectateurs regardent le film, ils voient bien finalement que c'est une guéguerre de pouvoir entre Antoine de Chambenas et Françoise de Brézé, une guéguerre de château. Le contexte autour est cette guerre entre les catholiques et les protestants, mais on se rend bien compte aussi qu'Antoine de Chambenas, donc, qui était une belle enflure et qui a vraiment ravagé la région à cette époque-là... Oui, non, mais c'est la vérité. Mais c'était sa personnalité, il n'était pas commode non plus, mais voilà, lui, en fait, finalement, on se rend compte aussi que dans le film... il s'en fout du contexte protestant-catholique. En fait, il s'est servi... C'est un politicien. Voilà. Oui. Il s'est servi du contexte pour gagner du pouvoir. Je ne pense même pas que le personnage historique croyait réellement en Dieu. Je ne sais pas si c'est un vrai rapport. A été très, très dur, effectivement. Il a pillé les environs. Voilà. Hein. Il a notamment dévasté le village de Saint-Paul, ce qu'on remet en scène, d'ailleurs, au début du film. Oui. On tourne même le pillage de l'église de Saint-Paul à l'endroit même où il a eu lieu. Voilà. Donc c'était très particulier d'ailleurs à tourner. Il s'est servi de ce contexte-là entre les protestants et les catholiques. Il s'est dit, oulala, il se passe quelque chose de pas mal pour moi, je vais me faufiler là-dedans pour avoir Arlande. Et puis c'est une guerre civile, c'est le début d'une guerre civile. Donc dans une guerre civile, c'est la violence est décuplée parce que c'est comme des frères et sœurs qui se trahissent. Il y a une violence presque incestueuse dans le meurtre. Qui fait qu'en fait ça pouvait pas être manichéen, donc effectivement ça peut pas être comme on le voit souvent, effectivement des fois les protestants qui se font chasser par les catholiques. Il y a également le reste qui est vrai aussi, c'est-à-dire des protestants qui ont fait des répressions très violentes. Et en fait il faut parler des deux, je pense, dans le cinéma. On voulait raconter l'histoire de ce château, et le fait est que dans cette parenthèse de l'histoire, que les gens soient d'accord ou pas, c'était un fait, les protestants n'avaient pas le bon rôle. Voilà. Pourquoi vous parlez de violence incestueuse? Alors, parce que comme si c'était des gens de la même famille qui se tuaient. Parce que la France, comment dire, frère, en plus c'était, voilà, ça. Oui, c'est plutôt ça que je voulais dire, du fratricide en fait. Fratricide. Voilà, c'est ça que je voulais dire, parce qu'en plus on était dans les périodes de guerre d'Italie. Tout à fait, mais. Donc ils étaient dans le même camp en Italie. Ils se battaient ensemble en Italie, et quand ils revenaient en France, ils se battaient contre eux, alors qu'ils étaient ensemble. C'était presque un conflit familial, ces guerres de religion, et c'est malheureux. Donc forcément, c'est très violent derrière. Donc un film rempli de belles chevauchées, des costumes extraordinaires. Où vous êtes-vous fourni Pour les acteurs principaux, les chevaliers ou même moi, Françoise de Brézé, voilà, on est allé voir Artias Armury, donc qui fait les armures, et Velay Création, qui est au Puy-en-Velay, qui coud les robes, les tuniques à la main. Donc ce sont de vrais costumes. Et pour ce qui est, par exemple, les figurants, alors bon, il y en a qui venaient avec leur propre costume, et effectivement on a fait appel à des médiévistes comme le roi de l'oiseau, et également Françoise Galland, qui est une dame au Puy-en-Velay qui conceptionne elle-même des costumes et qui les coud elle-même, et qui nous en a prêté beaucoup, notamment pour les enfants et pour les personnes civiles, les paysans, donc on remercie très chaleureusement. Et d'ailleurs Artias, pour, je sais pas si vous avez des auditeurs qui font de la reconstitution médiévale ou du Béhour, si bien sûr, oui ils le connaissent sans doute, le Béhour. Oui. Et oui. Ils le connaissent peut-être. Oui, parce que dans notre film, on porte de vraies armures. Les acteurs, ils avaient au moins 15 à 20 kilos sur le dos. C'est ça. Donc normalement, dans les gros, enfin voilà, dans les boîtes de production dans ce thème-là, souvent c'est un peu de la camelote, quoi. C'est des armures légères. Que ce soit léger. Voilà. Nous, c'était des vrais. Et Arthas fait un super travail. Et on est frappé par le professionnalisme des acteurs. Ce sont des acteurs qui tous, comme vous, ont fait une école de théâtre. Oui, pour la plupart, on les a rencontrés au cours Florent. Également, il y a l'acteur qui joue. Ça se sent. Voilà, ben ils viennent de la même formation que nous et on a l'acteur qui joue par exemple Louis, le chevalier Louis, Basile Bibard, et il est également comédien et cascadeur au Puy du Fou. Voilà, celui-là et joue d'ailleurs le cardinal de Richelieu dans le spectacle du Puy du Fou. Mais ça c'est pour les acteurs principaux. Après les acteurs, les seconds rôles, tout ça, on a fait un appel au casting de la région, donc c'est des gens quand même du coin, un peu local aussi. Après cette année de guerre, cette année de bâtiments. Après cette année de guerre, cette année de bâtiments. Je reviens de grande terre, je reviens à l'Orient. Je reviens de grande terre, guerre, guerre, vent de vent. J'ai passé des nuits entières debout au gaillard d'avant. J'ai passé des nuits entières debout au gaillard d'avant. Sous bon vent, souvent contraire, sous la brise. Les puissants. Souvent vent, souvent contraire, guerre, guerre, vent de vent. Voyez mon sac de misère, lourd de coups, vide d'argent. Voyez mon sac de misère, lourd de coups, vide d'argent. Allez dire au capitaine, j'ai obéi trop souvent. Allez dire au capitaine, guerre, guerre, vent de vent. Revoilà ton cher aimant. Bonjour mamie qui m'est chère. Revoilà ton cher aimant. Je suis là de trop de guerre sans voir grandir mes enfants. Je suis là de trop de guerre. Guerre, guerre, vent de vent. J'ai reçu tes 1000 lettres par le rossignol chantant. J'ai reçu tes 1000 lettres par le rossignol chantant. Je t'écrivais moins peut-être. Je t'envoyais des rubans. Je t'écrivais moins peut-être. Vous me verrez bien souvent. Mes amis, plus que la guerre, vous me verrez bien souvent. Après tant d'années de guerre, j'aurai tant et tant de temps. Après tant d'années de guerre, guerre, guerre, vent de L'Orient à grande terre, vent arrière, vent avant. De l'Orient à grande terre, vent arrière, vent avant. Les fleurs d'hiver étaient belles, elles annonçaient le printemps. Les fleurs d'hiver étaient belles, guerre, guerre, vent avant. Alors, si vous venez d'arriver, ce sont les Chroniques du Crack. Nous, on est en train de discuter en prenant un verre dans un café. Donc, bienvenue dans les Chroniques du Crack. Donc, nous parlons du film Arland, la légende du premier château de la Loire. Marina, qu'est-ce qui vous plaît le plus chez Françoise de Brézé, votre personnage ? C'est une très bonne question. On me l'avait jamais posée aussi. Qu'est-ce qui me plaît le plus chez Françoise ? Je dirais quand même sa loyauté, même si elle n'est pas commode. Après voilà, elle est dure, mais Antoine de Chambenas, on sait, c'est dans les faits, on sait qu'il était réellement comme ça. Françoise, on a pris des libertés quand même sur son caractère, on voulait qu'elle soit dure et pas commode aussi. Et Françoise, quand sa mère aurait envoyé Françoise pour défendre son fief et lever des troupes, elle était jeune, ça restait une jeune fille de 24-25 ans, c'était pile mon âge quand j'ai joué son rôle. Donc effectivement, elle avait cette fragilité de jeunesse quand même, et le poids, de, elle avait une grosse responsabilité, elle, d'un coup, elle se met à défendre la forteresse, le premier château de la Loire quand même, c'est la fille de Diane de Poitiers, c'était quand même un nom qui à l'époque était quand même important, donc elle se retrouve au milieu de ses chevaliers, elle est dirigée à face à Antoine de Chambenas qui est très compliqué et inhumain, donc elle, il faut surtout pas que... Puis en plus, elle est très jeune dans un milieu de guerriers. Voilà. Donc, mais pas beaucoup de gens comprennent, c'est pour ça que je le dis, pas beaucoup de gens ont compris, ils sont très peu, mais pourquoi cette froideur aussi, donc je le dis aussi pour ça, mais voilà. Cher Titouan, vous êtes le chevalier Jean de Guis. La question intéressante de tout à l'heure, vous savez, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans... Oui, exactement. J'aurais envie de dire, comme ce que tu as dit au début, c'est-à-dire la loyauté de mon personnage, ça c'est sûr. La dévotion qu'il a auprès de son roi, de son dieu, de sa forteresse. J'aime bien aussi dans ce personnage-là, comment dire, les sentiments qu'il a. On sent qu'il a des sentiments qui naissent pour Françoise, qui sont pas forcément autorisés. Donc, il se bagarre avec ça, et je trouve que la façon dont il se bagarre avec ce sentiment-là est plutôt noble. Mmh. Et c'est ce qui m'a beaucoup plu dans ce personnage-là. Il a la camaraderie en lui, il est très attaché à ses hommes, il est très attaché à son écuyer, Christian, il le soutient beaucoup. Mais à côté de ça, il est également très... C'est un guerrier très froid aussi et très dur. Il a été élevé à la dure et on le sent. Et c'est un chevalier qui est fait pour combattre, mais qui a sa dose de civilité. Donc c'est le mélange des deux font que le personnage était très intéressant. Alors, est-ce que vous faites partie de ces réalisateurs, jeunes réalisateurs, qui allaient changer complètement de décor historique, ou bien vous allez faire une suite médiévale ? Là, actuellement, on est en train de travailler sur un prochain film. Peut savoir. On est en train de faire un film sur l'histoire de la bête du Gévaudan. Voilà. Extraordinaire. Ça fait partie de mes mystères favoris. Oui, oui, oui. On est en train de... Avec l'auberge Père Bayle. C'est excellent, oui. Ça aussi. C'est excellent. Et la bête du Gévaudan, oui, c'est quelque chose. Mystère extraordinaire. Voilà, il y a un scénario. On est en train de... Il y a un scénario. L'armée de Louis XV qui tue la bête, je crois, c'est ça. En tout cas, elle intervient. Elle intervient. Officiellement, ce serait Jean Chastel qui l'aurait abattu. Jean Chastel. Mais il y a encore des périodes de doute, mais l'armée de Louis XV y est allée. Ouais. Donc elle sera présente, les dragons du roi. Alors, donc si on veut voir votre film actuellement... Il y a différentes manières de le savoir. Alors beaucoup pour le cinéma, il y a de moins en moins de séances, parce que ça fait maintenant un peu plus de 2 mois que le film est sorti au National. Mais on peut toujours... La moyen de vérifier, c'est soit de demander au cinéma près de chez soi s'ils comptent le programmer ou pas, parce qu'il y a des cinémas qui comptent le programmer mais qui ne l'ont pas encore annoncé. On a décidé ça même en avril, ils ne l'ont pas encore donné. Sinon, il y a sur la page Allociné du film ou sur notre site Labris Studio. Dans tous les cas, le film, on l'espère, risque de passer en streaming pour ceux qui n'auraient pas pu aller au cinéma ou même à la télé et une sortie DVD. On essaie de toucher tous les territoires et petit à petit, faut pas hésiter à se tenir informé régulièrement. Je sais que ça peut être fatigant, mais à un moment donné, la date sortira. Bon, pas fatigant, vous avez un très beau site. On rappelle l'adresse ? Alors c'est labris-studio.com. Bon, pour conclusion, je retiens cette belle tirade trouvée, je crois, sur votre site. Nous voulons mettre en avant les valeurs tombées dans l'oubli, comme celle de la chevalerie, l'honneur et le dévouement. C'est pour cela que je vous ai invité au micro. Bah, écoutez, les Chroniques du Crac, l'émission de l'Ordre des Chevaliers Notre-Dame. Je suis très heureux de vous avoir reçu à ce micro, cher Toutouan. Nous de même. Marina. On a mis également une citation sur notre page Instagram. Je me souviens plus l'auteur. On a mis « Le but n'est pas de faire du cinéma, mais son cinéma ». Je trouvais ça bien aussi, avec la citation de notre site que vous venez de dire juste avant. Voilà, c'est ce qui magnifique. Nous définira, quoi. Magnifique. Merci beaucoup, en tout cas. Pour As-tu libéré Excalibur de son rocher ? Oui. Non, ce n'est pas moi. Arthur l'a fait. L'épée ! Tu l'as libéré, Arthur ? Oui, père. Je vous demande de me pardonner. Il faut la remettre en place ! L'épée ! Maintenant, essaie encore une fois, Arthur. Rien, j'essaierai. Pousse-toi. Cède la place à l'écuyer. Cède la place à l'écuyer. Place à l'écuyer. Cède la place. Allez, va, Arthur. N'aie pas peur. Relevez-vous, père, de grâce. J'étais votre fils avant de devenir votre roi. Si toutefois je suis roi. Tu es roi. C'est Chroniques du Crack numéro 9, à l'instant, le groupe allemand de musique médiévale Estampie, formé en 1985, qui a 8 albums studio à son actif, Estampie, qui reprend ici une chanson chevaleresque traditionnelle, Seigneur Sachier, composition du XIIIe siècle du comte Thibaut de Champagne, chanson qui est chantée par les chevaliers de Jean de Guise dans le film Arland. La légende du premier château de la Loire. Je vous redonne l'adresse du site web qui vous indiquera la salle proche de chez vous pour aller voir ce film exceptionnel. Voici l'adresse labrice-studio.com, labrice avec un Y. Comme dans quelques minutes après le retour des troubadours, je vous parlerai du jeune Tancrède qui est en passe de devenir écuyer, il serait bon de revenir sur ce que j'ai pu évoquer, peut-être un peu trop rapidement dans les émissions précédentes. Comment faisait-on un chevalier laïque séculier dans la France des 11e, 13e siècles ? Le grand unificateur, le père des Francs, c'était Charlemagne. Mais le grand Charles vint à mourir le 28 janvier 814. Il avait été couronné empereur par le pape Léon III à la Noël de l'an 800 dans la basilique Saint-Pierre à Rome, là où un rite pontifical bien précis adoubera plus tard des chevaliers romains. Il reçoit le titre d'empereur des Romains. C'est un nouveau Constantin Ier, César romain d'Occident. Charlemagne est devenu le nouvel empereur de l'Empire romain d'Occident. Grâce à son gouvernement à la fois fort et sage, l'Europe dont il est le père connaît une nouvelle Pax Romana, une nouvelle paix à la romaine. Si tu veux la paix, prépare la guerre. L'Empire carolingien ne survit pas à la mort de son fondateur. Il se disloque peu à peu. Aucun de ses fils pourra, comme le grand Charles, porter seul l'Empire sur ses épaules. En août 843, par le traité de Verdun, il sera l'Empire partagé entre les trois fils de Louis le Pieux, son fils à Charlemagne et successeur. Le Xe siècle sera un siècle de désordre et de guerre, on l'appellera le siècle de fer, les fils de Charles se guerroyant. La Sainte Église, qui est désormais la seule autorité centrale, déplore la guerre, bien entendu, et cherche à la limiter. La Sainte Église va donc refaire l'éducation militaire des barons en leur apprenant que l'épée, en leur apprenant ou en leur rappelant que l'épée qui les a fait chevaliers qui bat leur flanc gauche, cette épée est forgée pour la défense du faible et non pour l'oppression. Il faut que, à ce sujet, vous lisiez le maître-livre du chartiste Léon Gautier, La Chevalerie. La chevalerie n'est pas héréditaire, heureusement pour beaucoup de nobles qui ne pouvaient pas dépasser le grade d'écuyer. Rien que l'achat d'un destrier, de son harnachement militaire et de l'équipement du chevalier, tout cela coûtait une fortune. D'autre part, tous les chevaliers ne sont pas nobles. On a connu à l'époque médiévale des chevaliers qui étaient paysans, et cela pouvait scandaliser les contemporains. L'accession à la chevalerie, traditionnellement, se faisait par stricte cooptation. C'est toujours ainsi dans l'ordre des chevaliers de Notre-Dame. Il faut avoir été remarqué par un chevalier pour pouvoir être adoubé. Dès le Xe, XIe siècle, au lieu d'être armé chevalier par un noble chevalier, on pouvait demander à l'être par un père abbé de monastère ou par un évêque. C'était, et ça l'est toujours, l'adoubement liturgique. Le candidat ou bachelier, on ne passe pas le baccalauréat, mais ça s'appelait comme ça, le bachelier fait l'apprentissage de la chevalerie à la cour d'un seigneur en tant que page puis écuyer. Si les fils de chevalier, son père envoie le jeune comte à son frère ou à la cour d'un puissant seigneur qui en a formulé le souhait. Son avenir est assuré. Que fait-il dans les premiers temps? Il nettoie les écuries de son seigneur, apprend à servir à table, apprend la musique et la danse, surtout le métier de cavalier et de guerrier. Il apprend le maniement des armes, la lance, l'épée, la lourde hache, héritage des Normands de Guillaume le Conquérant. Et le temps venu, mais pas avant 17 ou 21 ans, l'apprenti pouvait être appelé à la chevalerie. Il est saint de l'épée, c'est fait, il est chevalier. La cérémonie se complète par la collée, qui est un fort coup de poing que l'investisseur donne sur la nuque à l'investi pour lui rappeler l'honneur qui lui est fait. Le chevalier de cette époque-là étant par définition un cavalier, on lui chausse les éperons. Outre l'épée, son parrain lui remet le haubert, le homme, l'écu et la lance en bois de frêne. Et il faut que le nouveau Milès donne, séance tenante, une idée de sa force et de son adresse. Afin de montrer sa valeur, il doit être capable, vêtu tout équipé pour la guerre, de sauter sur son destrier et de s'élancer au galop pour démontrer son adresse à la lance et à la quintaine. La quintaine, alors, c'est un jeu d'adresse qui consistait à percuter de la lance le bouclier d'un mannequin rotatif sur le bras duquel était fixé l'écu et à l'opposé se trouve un autre bras sur lequel est accroché un fléau d'armes. L'écu percuté par le chevalier lancé au galop entraînait le mannequin qui tournait violemment sur lui-même et le fracasse-crâne devait être esquivé en se bouchant rapidement le long de l'encolure du cheval. On acceptait que les moins vifs parent le choc du fléau avec leur propre bouclier, mais gare à celui qui chutait ou qui ratait sa cible. Telle est la cérémonie de l'adoubement militaire, laquelle pouvait varier légèrement d'un château à l'autre. l'âge de la chevalerie est le même que celui de la majorité féodale. Ce fut seulement au XIIIe siècle que la limite de 21 ans finit par s'imposer comme l'usage le plus répandu. On devient à sa majorité maître du fief, maître de la seigneurie ou tout au moins associé au pouvoir seigneurial à partir du moment où l'on ceint l'épée. La majorité donne à la fois aux jeunes nobles le droit de porter les armes et celui d'avoir un sceau particulier. La morale première de la chevalerie est contenue tout entière dans ces deux mots « sois preux ». Le chevalier voulant être preux n'est pas obligé seulement de se montrer fort et brave. Vous savez, on a maintenant nos mentalités modernes et s'imagine que le mot « preux » désigne uniquement le courage. Mais non, il devait encore observer certaines lois de magnanimité à l'égard de ses adversaires. Il était défendu aux preux de frapper un ennemi désarmé ou qui lui tournait le dos ou qui gisait à terre. Il faut enfin qu'il garde la foi due au suzerain et la reconnaissance affectueuse qui revient au seigneur dont il a reçu l'épée. Avant de poursuivre notre voyage dans le temps auprès du chevalier qui se fait adouber, un peu de musique maintenant. C'est le retour annoncé de nos troubadours du groupe Estampie. On retrouve la voix merveilleuse de Sigrid Hausen. Dissé mi, une chanson néo-médiévale de 2006. Thank you. Bienvenue dans ces chroniques du crack numéro 9. Chevalier Hector de Maris pour vous servir. À l'instant, le groupe allemand Estampie pour 10 mai. La cloche de la commanderie templière va sonner la récréation dans quelques minutes avec un enchantement signé William Scheller. Mais tout de suite, laissez-moi vous resservir un verre d'eau avec un comprimé pour la tête puisque je continue cette évocation du chevalier au XIe siècle. Je rappelle que ce petit exposé sans prétention se base sur le livre de référence La chevalerie de Léon Gautier. L'influence directe de l'Église sur la vocation de chevalier se fait jour dès les premiers temps de l'époque chevaleresque dans l'adoubement liturgique au Benedictio Novi Militis. Vous voyez ici une gravure représentant l'adoubement liturgique d'Amaury, le fils de Simon de Montfort. Il ne faudrait pas croire, comme pourrait le faire le pigiste stagiaire du journal municipal de Clocher-les-Bécasses, que cette cérémonie d'église, parce que c'est un truc du curé, que c'est un machin liturgique que Rome a ajouté plus tard. Que nenni, on trouve trace des premiers rituels aux pontificaux. Les pontificaux, ce sont les livres liturgiques de l'évêque ou du pape. Donc on trouve trace de ces rituels liturgiques de chevalerie, presque un siècle avant la chanson de Roland, une époque où la chevalerie est toute militaire. La première bénédiction du chevalier est contemporaine de l'empereur Othon III du Saint-Empire romain germanique, Othon III qui a vécu à la fin du Xe siècle. Tout commence la veille par la veillée d'armes, ce qui était assez courant à l'époque chez les soldats chrétiens, celui qui allait mourir à la guerre passait la veille en prière. Le futur chevalier qui va recevoir son épée de la part de la Sainte Église pour laquelle il veut vivre et mourir passe la nuit en prière à la chapelle et enfin, le matin même du jour où doit avoir lieu la remise de l'épée, il entend la Sainte Messe. Le Saint Sacrifice de la Messe est, comme il est écrit dans la règle des chevaliers de Notre-Dame en son chapitre 9e, le point culminant de la journée et de la vie des anciens chevaliers chrétiens. Ceux-ci assistaient à la messe chaque jour et certains deux fois par jour. Le rituel de l'adoubement liturgique au Xe, XIe siècle, en général comprend une bénédiction pour bénir l'enseigne du chevalier, le vexillum bellicum, une deuxième pour consacrer l'épée, une troisième pour couronner, si j'ose dire, l'investiture. « Seigneur, je cite, hein, « Seigneur, dit le pontife, nous t'en supplions, exauce nos prières et daigne bénir cette épée dont ton serviteur désire être armé pour qu'elle puisse défendre et protéger les églises, les veuves, les orphelins et tous les serviteurs de Dieu contre la cruauté des païens. Les armes du chevalier, déposées sur l'autel d'une église voisine, reçoivent une consécration solennelle. Avec une formule spéciale d'oraison, l'évêque bénit l'épée ou la lance. Le prélat consécrateur ne se contente pas de bénir les armes du nouveau Milès, il est chargé encore de l'en revêtir. Alors ça, c'était tout bonnement impensable aux yeux de certains barons à cette époque-là, parce que jusque-là, c'était un chevalier qui passait l'équipement militaire du nouveau chevalier. Le nouveau chevalier s'est engagé dans l'armée du Christ-Roi. À ses devoirs militaires et féodaux s'ajoutent les prescriptions catholiques. Le chevalier est avant tout un croyant, ferme dans sa foi. Sa première mission, c'est de protéger l'Église et la chrétienté. Il ne doit verser le sang que dans l'intérêt de la cause chrétienne. Un chevalier, par exemple, ne se bat pas en duel. Les veuves, les orphelins, les marchands, les pèlerins sont placés sous la sauvegarde du chevalier comme sous la protection de l'autorité religieuse. Le nouveau chevalier devra, selon le code de la chevalerie ou code d'honneur, qui est sa loi après celle du Saint-Évangile, ne pas reculer devant l'ennemi, s'acquitter exactement de ses devoirs de vassalité ou de suzeraineté, faire largesse à tous, ne pas mentir, rester fidèle à la parole donnée. Les éperons qu'on lui attache lui montrent qu'il doit être aussi docile à l'éperon de la volonté divine que son cheval au cou des éperons du cavalier. Les chausses de coton noir ou brun qu'il revêt sont destinées à lui rappeler la terre d'où il est venu et où il retournera. L'épée qu'on remet au chevalier est à deux tranchants. Avec l'un, il doit frapper le puissant qui opprime le pauvre et avec l'autre, l'infidèle ou l'hérétique qui persécute le chrétien. Le nouveau Miles écoute avec respect ce petit serment. Il est quatre choses que il doit toute sa vie observer. Ne jamais frayer avec les traîtres. Toujours porter aux dames et demoiselles un grand respect et les défendre. Observer pieusement les jeûnes et les abstinences décrétées par la Sainte Église. Entendre la messe tous les jours et faire une belle offrande à l'Église pour remercier de la grâce qui lui est faite, celle d'être fait chevalier. Eh bien, le temps est venu maintenant de délaisser son home pour mieux entendre la chanson qui arrive. Notre trouvère se nomme William Scheller, qui nous emporte dans une rêverie musicale à deux tranchants, fichée dans nos cœurs de pierre. Et voici que, dès les premières notes des trompettes des héros d'armes, la roche s'amollit pour nous permettre de mieux arracher Excalibur. Plein de vie, de retour sur vos nobles terres, devant vos fières compagnies. Après ces longues années de guerre, le ciel est témoin qu'aujourd'hui, c'est grande joie pour la ville entière d'ouvrir ses portes à grand bruit. Sont venues misère et longue nuit, Dieu me l'a donné, Dieu me l'a repris. Sont partis nos frères, nos ennemis, Dieu me l'a donné, Dieu me l'a repris. Dieu vous a gardé, qu'il en soit béni. Il a fallu tant de terre pour y creuser tant de lits, que des montagnes entières ne nous ont pas suffi. Mais il ne bouffe pas la tente de pierre pour faire des églises jolies, où l'on chantait votre lumière, où nous nous sentions si petits. La forêt de vos bannières souffle un bon vent claquant de vie. Le soleil brûle vos gants de fer, c'est un grand jour que celui-ci. Mais permettez, mon noble père, que je vous laisse à tout ceci. La route est longue jusqu'aux frontières, je devrais voyager de nuit. Sont venues misère et longue nuit, Dieu me l'a donné, Dieu me l'a repris. Sont partis nos frères, nos ennemis, Dieu me l'a donné, Dieu me l'a repris, Dieu vous a gardé, qu'il en soit béni. Je m'en vais porter en terre, au fond de notre vieux pays. Il y a de la douce aux cheveux clairs, dont je ne sais trouver l'oubli. Elle dormira comme en prière, du plus beau marbre que l'on vit. Sous la plus belle des lumières, de vos églises si jolies. Thank you. partie nos frères, nos ennemis. Dieu me l'a donné, Dieu me l'a repris. Dieu vous a gardé, qu'il en soit béni. Il a fallu tant de terre pour y creuser tant de lits, que des montagnes entières ne nous ont pas suffi. Mais il vous fallait tant de pierres pour faire des églises jolies, où l'on chantait votre lumière, où nous nous sentions si petits. Retour, retour, retour vers le passé, vers le passé. Le rire pour améliorer notre santé. Le rire est essentiel, on a besoin de rire tous les jours. Hé hey, l'homme, tu es tombé dans les douves du donjon pour avoir les cheveux verts ? Qui es-tu ? Quel est ton nom ? Je suis démocrate. C'est nouveau comme idée. Nous ne sommes encore qu'en 1189, mais dans 600 ans, ce sera la mode. Il faut le peuple, c'est-à-dire les bourgeois à la place du tyran Philippe Auguste. Il faut couper le cou aussi aux prêtres et aux moines. Je suis pour supprimer aussi l'humain qui est toxique. Il faut remplacer les voitures à bœufs par des charrettes tirées par des mules et décimer les troupeaux de bovidés, car les flatulences des vaches, sachez-le, réchauffent l'air et ça fait tousser un peu. Enfin, je suis partisan de supprimer la viande et de la remplacer par une bonne terrine de grillon ou du pâté de termite. Qu'est-ce que vous en dites, vous, le gros bourrin masculiniste en armure ? Rire fait du bien. Merci aux gauchistes de nous faire du bien. Les chroniques du Crac. De la paille fraîche où j'entends ça. belle, tu arrives au port, au lointaine champagne, pays de mes aïeux. Ton ciel en nuage m'a bien manqué un peu, sous le firmament bleu et le ciel étoilé. On voit toute l'année au crac des chevaliers. Sur mon honneur, Seigneur, j'ai votre foi jurée. Je vous rends mon cœur pur et mon épée sans tache. J'ai combattu pour vous sans repos ni relâche. Je vous rends mon marchez jadis, suivi de vos apôtres. J'ai parcouru ces routes et suivi ces sentiers. J'ai chevauché sans doute où vous posiez le pied. La route qui s'achève mène au paradis. Saints et saintes de Dieu, soit jamais dit que vous m'ayez laissé privé du Dieu l'amour. Sire Dieu de merci, sire Dieu de bonté, dans mon cœur pour un autre, il n'y eut jamais place, grâce au radieux de Dieu qui toute faute. Pas d'erreur, vous êtes dans les chroniques du crack. William Scheller chantant Excalibur, puis le chœur de l'école Saint-Cyr interprétant la complainte du Templier. Eh bien moi, je ne me plains pas de ce 9e épisode des chroniques du crack, et vous non plus, j'espère. On approche doucement de la fin de l'émission. Juste avant de retrouver la Rioule des Compagnons du Monde pour une balade irlandaise bien sympathique, allons rendre visite à Tancred de Montmirail, fils de Gilbert et d'Hermine de Montmirail. Son oncle paternel est le sire Gauthier, vassal du seigneur de Beauvais. Le frère Dominique-Marie de l'ordre de Saint-Dominique lui enseigne doctrine, lecture, écriture et calcul. Clint du Bois de l'Est lui apprend l'art de monter à cheval. Dame Clotilde de Montmirail lui apprend courtoisie et danse. Guillaume Taillefer est son maître d'armes. Nous sommes en l'an de grâce 1360, sous le règne du roi Jean II, dit le Bon, prince valois. Soir, à table, alors que Sir Gilbert tranchait le pain de sa dague pour y déposer du blanc de poulet, Gilbert déclare « Tancred, te voici du haut de tes 14 printemps. Tu es en âge d'être écuyer. Tu iras dès demain trouver en son donjon le seigneur Philippe comte de Beauvais, notre droiturier seigneur. Il sera ton parrain pour ton adoubement futur, si Notre-Dame Sainte-Marie le veut bien. Tu seras son écuyer, et c'est lui qui te mettra les éperons d'or. Moi, si Dieu me prête vie, je serai présent. Je te mettrai l'épée au côté et t'administrerai la collée. C'est convenu ainsi avec notre suzerain. » Tancred savait trop bien ce que collée voulait dire. On se tient droit en attendant le coup asséné comme pour tuer un bœuf de labour. Tancred frémit légèrement en pensant à cela. Mais c'est avec un sentiment d'intense fierté qu'il songe qu'il sera formé à la cour du puissant seigneur qui depuis des années protège sa famille. Mais il voudrait en savoir plus. Je comprends bien que, en retour de la protection de la maison de Beauvais, nous lui devrons le service, c'est normal, et je vous remercie, père, pour l'honneur que vous me faites. Cependant, je pensais que c'était au père à faire l'éducation de son fils jusqu'à l'adoubement. Le chevalier pose sa dague doucement sur la lourde table en chêne. Nenni, former un de mes fils jusqu'à l'adoubement, je ne peux pas me le permettre. L'écuyer Thierry, le frère de ta mère, qui habite le donjon de la Motte de la Pierraille à 3 lieues d'ici, n'a jamais pu se faire adouber. L'achat du cheval, de son équipement de guerre, de l'épée, de la lance, tout cela coûte énormément de francs d'or. De même, ton vieux père ne pourrait pas le faire pour toi. C'est une chance que notre puissant seigneur de Beauvais fasse ton éducation. Tu pourras ainsi accéder à la chevalerie, comme je le rêve pour toi depuis ta naissance. Et c'est ainsi que, montée sur un paisible ronçon alezan, Tancrède de Montmirail allait son train vers son destin. À ses côtés cheminait le jeune Henri qui travaillait aux cuisines, qui avait été chargé par Sir Gilbert d'escorter son fils. On signalait en cet an de grâce 1360, de ça, de là, des bandes de pierres anglois, même si la région traversée restait sûre dans l'ensemble. Dans l'ensemble. Henri Détroit est juché sur un cheval de bonne taille, il porte bonne hache au flanc. Il est le seul villageois à savoir manier le grand arc qu'il prit un jour sur le cadavre d'un soldat Goudon. Depuis, il ne sort jamais sans son longbow et un carquois de bonnes flèches en bois de cornouille. Nous serons arrivés avant 1 heure au château de Beauvais, Tancrède, mon jeune maître. Ah, tant mieux, cher Henri, répond le fils de Gilbert et d'Hermine, parce que je l'ai fait sans charpie. Moi de même, messire Tancrède, moi de même. Savez-vous ce qui s'est passé avec les Goudons? Et sur la moue étonnée de son jeune maître, il continue. Dieu n'est pas avec les buveurs d'eau chaude, messire. Notre Seigneur leur a fait payer leur rouerie et leur cruauté sur nos chevaliers récemment à Poitiers. Sans parler de Crécy jadis, sans parler de la captivité de notre bon roi Jean dans leur saleté de ville de Gaudon. Les soldats d'Édouard sont affamés, leurs chevaux n'ont plus de fourrage, c'est une averse de grelons énorme qui a percé les tentes de son armée et broyé des crânes. Les Anglois brament que la colère de Dieu est sur eux. Ils savent que depuis les marches de Lorraine, des prophéties disent qu'une pucelle envoyée de Dieu sauvera le royaume. Et le roi anglois vient de rembarquer pour Gaudon City. Oui, il a appris que des navires normands à la tête de dragon ont mouillé dans un de ses ports. Les marins sont descendus et ont pillé la ville. C'est la panique là-bas. Tancrède sourit. Dis-moi, avant d'arriver au château, que peux-tu me dire sur le comte de Beauvais? Vous savez que monseigneur de Père a fait jadis partie de son hoste. Le comte Philippe de Beauvais, maître aussi de la forêt le roi, ce doit être son château, nous arrivons, messire. Tancrède voit d'imposantes murailles crénelées apparaître au-dessus des arbres et être irradiées par la lueur d'or du soir. À bientôt, jeune Tancrède, pour ton apprentissage d'écuyer. Je suis heureux de vous passer maintenant le meilleur groupe, n'ayant pas peur des mots, le meilleur des groupes de musique néo-médiévale, la Rioule des Compagnons du Monde. Rioule est un vieux mot savoyard pour désigner la fête. C'est un groupe de musique médiévale formé avec 8 musiciens au Grande Médiévale d'Andilly en 2016. En 2021, ils sont entrés en studio avec le groupe irlandais Craubrú pour enregistrer une bien belle balade entre classicisme irlandais et chansons médiévales sur les routes d'Irlande. C'est une réussite absolue, tout est parfait. Que ce soit les chœurs féminins, la voix du chanteur, l'accompagnement musical, et ça donne une furieuse envie de taper des mains et de danser. Comme il faut se quitter sur une note joyeuse, eh bien voilà, donc sur les routes d'Irlande. Oh, mais je ne prends pas la route tout de suite, je reste assis avec vous en laissant mon imagination partir sur les routes d'Irlande. Au-delà des mers, dans les contrées d'Irlande, que les compagnons pourrissent mes chansons, dansant à fendre l'air au son de vive Sarabande, un beau jour nous y retournerons. Et ces vertes vallées, dans mes jeunes ménestrances, je m'en allais louvoyer. J'y contemplais la terre, des hauteurs de Tara, la jonc et la bruyère, tant de trésors qui me tendaient les bras. Un soir dans la grande plaine, quand s'éveillaient les vents, et j'y déposais mon camp. J'y ouïs un langage chanté d'un fifrelé. La douceur d'un ramage s'envolait de son biseau de bouée. Sur les routes d'Irlande, dans les chaleur des hommes. Vous aurez apprécié cette nouvelle émission animée par Hector de Maris, chevalier de Notre-Dame. Vous savez que les chroniques du crack, qui sont trimestrielles, paraissent le premier samedi du mois sur les chaînes de la Nouvelle Chevalerie et donc le premier samedi du trimestre. Et on se retrouvera ainsi le samedi 7 juin 2025, si Dieu le permet. Je vous laisse avec Il Signore Angelo Branduardi pour le don du cerf et on fermera la porte sur la musique du compositeur de musique de film Thomas Bergensen. Que Dieu vous accorde longue et belle vie. Le Saint Paradis à la fin de vos jours. Au revoir. Dites-moi, mon maître, de tant de terre et tant d'eau, de tous vos voyages, lequel est le plus beau? Les têtes coupées en quatre, des grands et vieux tigres, un tapis qui s'étire au pied. Grande chasse dans tout l'espace, je marche sans repos. C'est ainsi que le coco en boule, je t'en donne et j'ai collé en foule. Mais c'est un surf magnifique qui devant moi se dressa. C'est ainsi que le Hector de Maris.